Vous écoutez Une fille, un podcast et c'est le tête-à-tête numéro 10. Alors, dans ce tête-à-tête numéro 10, qui, je le rappelle, est un échange entre une personne que j'invite et moi-même pour parler de podcast, entre autres, mais surtout d'audio et de ce qu'on met dans nos oreilles, voilà. Eh bien, j'ai le plaisir de vous faire écouter Jay, que l'on présentera au début de l'entretien. Alors, dans cette introduction, je vais vous parler on fait pas une introduction d'introduction, Karine, c'est n'importe quoi. Alors, dans cette introduction, ce que j'avais envie de vous dire, c'était surtout qu'on va surtout parler de Saga MP3 dans une ambiance un petit peu tranquille, SF, comme ça, voilà. Allez, je vous mets une petite musique pour vous mettre déjà dans l'ambiance. La première partie de l'échange sera donc sur la saga MP3, vous l'avez compris. Ensuite, les livres audio et ensuite les podcasts à la fin. Et à la deuxième fin, les podcasts aussi. Oui, parce qu'on a fait deux fins en fait. Il y avait une première fin, puis finalement non. On avait encore des choses à dire. Donc il y a une deuxième fin et puis après il y a la vraie fin, quoi. Voilà. Bon, bref, vous verrez bien à la fin. Je vous laisse découvrir tout ça. Alors... est-ce qu'on fait une petite partie lèche-cul ou pas pour le dernier épisode de la saison? Ah oui, allez, pourquoi pas. Alors, donc, petite partie lèche-cul, bien sûr. Bonjour Bertrand. Bonjour aussi. J'ai noté, hein, parce que... pas oublié. À Graou, et bienvenue. Parce que j'ai vu un petit... Qu'est-ce que c'était? Un tweet ou un mail? Merde, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Qui disait qu'il avait récupéré tous les épisodes en retard, donc il doit peut-être être en train d'écouter celui-là. Donc, salut à toi et bienvenue. Et puis, du côté des mails cette fois-ci, et non pas du côté de Twitter, eh bien, je vais faire un petit bonjour à Fab, Frédéric, Guillaume, et pas Guillaume Hirslow, mais l'autre Guillaume, celui qui doit être sûrement en train de travailler son PNL, là, je ne sais pas. Enfin, voilà, salut à toi. Et Greg aussi, salut. Et un spécial gros bisou à la future jeune mariée. Voilà. Alors, ma partie lèche-cul est finie. Est-ce que vous savez que la première critique négative que j'ai eue concernait cette partie-là? Oui, bon, voilà, l'incident, c'est que c'est devenu pire après. Bon, je m'égare. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, un petit clin d'œil à un podcast que j'écoutais tout au début, que j'ai découvert les sagas MP3 et que je n'ai pas pu placer dans ce tête-à-tête. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que j'y ai juste pas pensé, je ne sais pas, enfin bref, voilà. Donc, Rétrosphère, que j'écoutais régulièrement et qui m'a fait découvrir plein de sagas MP3. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est et tout, et qui n'ont pas idée non plus trop de ce dont je suis en train de parler là, eh bien on vous mettra plein d'extraits. Comme ça vous allez pouvoir avoir une image auditive de ce dont on parle. Et je me suis fait plaisir parce que j'aime bien faire du montage. Et oui, curieusement, je sais qu'il y a deux écoles dans les podcasteurs. Il y a ceux qui aiment monter le moins possible. Donc, ce qu'ils appellent tourner, publier, je sais plus. Bref, on s'en fout quoi. Bref, ils l'enregistrent, ils le publient, ils n'y touchent pas. Et puis, il y a ceux qui sont plus... je ne sais pas comment ça s'appelle, et qui aiment bien, en fait, passer du temps sur leur montage. Et moi, j'en fais partie, donc je suis un petit peu cinglée de ce côté-là, mais j'aime beaucoup. Et là, j'ai pu me faire plaisir, d'autant plus que ça fait un petit moment que j'avais pas publié d'épisode, parce que j'avais besoin de temps pour moi, professionnellement, etc., etc. Et là, j'avais une journée pour faire ça, et c'était... cool, j'ai pu faire un montage comme je les aime. Ça veut pas dire que cet épisode est parfait, ça veut pas dire qu'il est mieux que les autres ou quoi, ou qui, mais à la différence des derniers, j'ai pu prendre du plaisir à le faire et je me suis moins sentie dans l'urgence. Encore que l'urgence, c'est moi qui me l'impose, vu que c'est moi qui impose le rythme, mais bon, voilà, bref. Bon, vous avez compris, en gros, hein, voilà. Je me suis fait plaisir et je vous ai mis plein d'extraits. Alors, s'il y en a trop, si c'est indigeste pour vos oreilles, eh ben, vous n'hésitez pas à venir me le dire. Vous savez que les commentaires sont toujours les bienvenus, ainsi que les remarques, les critiques, etc. On me retrouve sur Twitter pour tout ça à @kikrine, K-I-K-R-I-N-E, et on me retrouve également par mail, unefilleunpodcast@gmail.com. C'est toujours un plaisir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben non, je pense que c'est bon. Ben voilà. Alors je vous dis à bientôt. Rendez-vous en septembre. D'ici là, envoyez-moi vos cartes postales. J'adore quand vous m'envoyez des cartes postales. Et je vous enverrai les miennes. Ou pas. Non, mais sérieusement, je reviendrai donc en septembre et j'aurai le temps d'avoir rempli à nouveau, je pense, ma podothèque, podcastothèque. Je sais pas si ça existe ce mot, en tout cas moi je viens de l'inventer. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne écoute et à la prochaine. Ciao, ciao. Vous écoutez Une fille, un podcast, et c'est un tête-à-tête aujourd'hui avec Jay. Salut Jay. Salut, et merci de me recevoir, c'est vachement sympa. Bah, c'est un plaisir aussi, je suis contente d'avoir fait ta connaissance un petit peu avant et puis de pouvoir enregistrer maintenant avec toi. Ouais, c'est cool. On va pouvoir parler de podcast, hein. En théorie c'est ça qui se passe ici. Ouais, il paraît. Mais après on peut parler de plein de choses aussi, ça me gêne pas non plus. Ça marche. Pour ceux qui ne te connaissent pas, j'ai envie d'expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu fais là. Ouais. Je pense que ça serait pas mal, même si je pense qu'il y en a pas mal de ceux qui nous écoutent qui te connaissent. Alors, toi, Jay, tu es la personne qu'on retrouve dans les sondiers déjà. Tout à fait. Avec toute ton équipe, que je ne m'amuserai pas à citer là, parce que vous êtes trop nombreux. On est beaucoup, ouais, mais on a une espèce de noyau dur avec Knarf... Asmoth, Blast, que tu as reçu, et de temps en temps Aurine, et puis d'autres. Plein de monde aussi. Voilà. D'autres, des fois, qui viennent de temps en temps, Aspic, Mago, Velf. Voilà, notre petite bande de copains avec qui nous parlons de son les premiers et derniers dimanches de chaque mois. D'accord. Et toi, on te retrouve aussi également sur le site d'Audiodramax. Oui. Où tu fais de la... Est-ce que je dis de la saga MP3, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Enfin, tu peux dire saga MP3, fiction sonore, fiction audio, fiction radio, hein, même si c'est pas vraiment de la radio, puisque c'est diffusé sur Internet. Mais en gros, c'est de la fiction. Voilà, c'est comme un film, sauf qu'il n'y a pas d'image. C'est exactement ça, oui. C'est ça. Et du coup, c'est là, moi, que je t'ai entendu pour la... Enfin, que je t'ai entendu, je sais pas si on t'entend dans les fictions que tu fais, mais en tout cas, j'avais bien pigé que c'était toi qui les faisais. Ah oui, dans Red Look et puis Chimera, on peut m'entendre. D'accord. Ce sont deux fictions que j'ai créées et dont une que je continue toujours. La première, Chimera, s'est arrêtée parce que bah, le noyau qui composait les auteurs sont partis chacun de leur côté, un peu partout en France. Et puis c'est un peu compliqué de les rassembler à nouveau, ce qu'on écrivait tous... l'histoire ensemble, on se réunissait et puis on était un peu tous les auteurs, quoi. Et maintenant, je me consacre à 100% sur Red Look. D'accord. Et comment t'es venu, toi, à faire des sagas MP3? Alors, ça remonte à il y a à peu près 10 ans. J'étais avec un copain à la faculté de Grenoble. Et moi, je suis rôliste à la base depuis que j'ai 12-13 ans. Donc, je pratique le jeu de rôle. Et cet ami-là m'a fait découvrir quelque chose qui allait changer ma vie, qui s'appelle le donjon de Nahulbuck. Ah, carrément, ça a changé ta vie, quoi. Ça a changé ma vie parce que. Il faut vraiment que j'aille écouter ça, je crois. Ouais, non, mais parce que, en fait, depuis que je suis tout petit, depuis que je suis tout bébé, en fait, j'écoutais des histoires en cassette avec un petit manuel. Ça s'appelle Raconte-moi des histoires. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'était édité par Marshall Cavendish. Il y a une version anglaise, une version française, et donc la version française dans le début des années 90 avait était venue donc faire des cassettes comme ça avec des histoires. Alors il y avait le Chaboté, il y avait la Reine des Neiges, il y avait Gobolino, Pinocchio, enfin voilà toutes ces petites histoires comme ça avec un petit fascicule où on pouvait avec des supers images. Et c'est comme ça que je m'endormais en fait. Je mettais la cassette, j'avais le petit bouquin et jusqu'à ce que ça s'arrête. Et puis pendant plusieurs années après, enfin j'ai grandi sans vraiment Sans vraiment t'endormir. ouais un peu. Ça me manquait un peu. Mais après j'ai plus vraiment pensé à ces histoires. Enfin ça restait dans mes souvenirs. Et puis quand j'ai découvert le donjon de Nahulbeuk, déjà, il y avait un petit côté François Pérusse que j'écoutais aussi à l'époque où il passait sur Europe 2 avant que ça s'appelle Virgin. Et il y avait un petit côté François Pérusse, mais en même temps c'était une histoire épisodique donc avec une continuité narrative élaborée et tout ça. Et donc il y avait cette espèce de mix entre ces fascicules et ces cassettes, raconte-moi des histoires, et le côté comique et voix pitchée, voix modifiée par ordinateur, de François Pérusse dans le donjon de Nahulbeuk. Et ça, tout ça était mêlé dans l'univers du jeu de rôle que je pratiquais encore très intensément à l'époque où je l'ai découvert. Et donc du coup, c'était juste parfait, quoi. C'était vraiment le trio, le combo. Parfait, et je me suis dit c'était génial, c'était un concept incroyable. Et puis j'ai cherché s'il y en avait d'autres comme ça, et c'est comme ça que j'ai découvert aussi Reflet d'acide Oui, bien sûr. de JBX. J'y ai donc fait partie de la communauté à l'époque. Enfin, il y a toujours un forum, mais il y avait un forum où j'en étais le co-administrateur. Enfin voilà, c'était vraiment super. Et je me suis dit, ben moi aussi, je veux faire pareil. Sauf qu'à l'époque, ben j'avais pas toutes ces connaissances que j'ai aujourd'hui. Donc j'y allais un petit peu, ben comme je pouvais. J'avais à l'époque une webcam avec un micro intégré et puis un logiciel gratuit. Et puis ben, j'essayais de faire rire, faire des histoires comme ça en modifiant ma voix et tout. C'était pas super au début, hein, évidemment, j'y connaissais rien. Mais voilà, c'était amusant. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ça me plaisait, que c'était un truc vraiment. C'était pas juste comme ça pour essayer. C'était vraiment un truc que je prenais plaisir à faire. Et donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à toutes les facettes du son, l'audio numérique. Donc tout ce qui est compresseur, égaliseur, enfin toutes les techniques de traitement du son. Et puis petit à petit, comme ça, c'est devenu une passion. Donc j'ai commencé à créer des histoires. De vampires, des histoires de western, voilà, des petites choses comme ça. Et petit à petit, je me suis un peu, comment dire, pas spécialisé, mais on va dire que j'ai trouvé un petit peu mon secteur. J'ai découvert David Huistprouist, donc qui est comme moi un des cofondateurs de la plateforme Audiodramax. Qui lui fait des fictions beaucoup plus immersives et beaucoup plus sombres, donc qu'on est totalement plus du tout dans l'humour potache et que fait Nahulbeuk et François Pérusse, Reflet d'acide, tout ça. On est vraiment dans quelque chose d'immersif, dans la science-fiction, on a vraiment des sons futuristes comme ça qui nous enveloppent, et j'ai trouvé ça vraiment très fascinant. Et moi, du coup, je suis un grand amateur de littérature d'horreur et de science-fiction et de fantastique. Et donc, je me suis dit, puisque on n'est pas obligé de faire rire et qu'on peut aussi tout à fait raconter des histoires très sérieuses et très très sombres, très noires, peut-être même à la limite font peur. C'est possible, et j'ai envie de faire ça. Et petit à petit, j'ai commencé un peu à m'essayer à la science-fiction et au fantastique. Et aujourd'hui, bah, j'en suis à faire Red Look, justement, sur Audio Dramax, qui est un univers très, très fantastique, lovecraftien, enfin, vraiment tout ce qui me plaît dans la littérature et dans la fiction en général. Et voilà, et je continue, et j'en suis là. Des sagas MP3 en même temps que j'ai écouté du podcast, ou peut-être un petit peu avant, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a plus de choix de podcast que de sagas MP3. Peut-être aussi que c'est plus long à faire. Ouais, c'est pas le même travail de faire une fiction que de faire un podcast. Bah voilà, donc c'est normal aussi que la production elle soit plus petite, parce que plus compliquée forcément. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que la fiction sonore, c'est pas un média... ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que le podcast est de plus en plus... Enfin, moi j'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça que je le vois, le podcast est de plus en plus prisé par les gens. Mm-hmm. En général, plus en plus de gens au fur et à mesure du temps qui écoutent des podcasts, comme on disait la dernière fois, dans la voiture, ou en bricolant, ou en cuisinant, ou que sais-je. En revanche, pour ce qui est de la fiction sonore, c'est différent. Il y a moins de public. Enfin, c'est l'impression que j'en ai en tout cas. On a moins ce public. C'est possible, ouais. C'est possible. Alors après, est-ce que c'est une question de catalogue ou que les gens ne savent pas où en trouver, ou parce que moi, je connais des gens qui n'apprécient pas les fictions sonores. Parce que justement, ils n'ont pas cette faculté d'imaginer l'histoire. Ils ont besoin de l'image, en fait. Peut-être que tu apprécies les sagas MP3 quand t'es quelqu'un déjà qui lit beaucoup. Après, je trouve que ça se ressemble un peu, en fait. Après, la manière d'écouter est pas la même. Ouais. Pour les podcasts, c'est un peu comme la radio, comme les talk-shows de la radio. Ouais. Tandis que la fiction, c'est des histoires, donc il y a des personnages, il y a un scénario, il y a de la mise en scène, il y a des bruitages. Ouais, il faut se mettre dedans, hein. J'écoute pas du tout ça de la même façon que j'écoute du podcast, quoi. Pour écouter un audio comme ça qui va me raconter une histoire, j'ai besoin de me poser, de me mettre au calme, d'être que là-dessus, en fait. Ouais, c'est ça. Je vais être que là-dessus, donc au même titre que je lirai un bouquin. Tu vois, par exemple, si le soir, t'as envie de te plonger dans une histoire, il y a des fois t'es crevé, franchement t'as pas envie de t'installer avec un livre, t'as pas envie de faire mal à tes petits coudes parce qu'il va falloir poser ton livre quelque part, alors que là tu vois, tu t'allonges tranquillement, t'es même pas obligé d'avoir la bonne lumière, t'es même pas obligé d'avoir tes lunettes, t'écoutes un truc ça te fait t'évader au même titre qu'un bouquin. C'est, moi vraiment je le compare vraiment à la littérature. Ouais, mais t'as les livres audio aussi. Il y a les livres audio, ouais. Qui sont pas mal. Moi, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup. Je m'y suis mis il y a un an au livre audio. Maintenant, j'achète encore des bouquins parce que je peux pas m'en passer non plus, quoi. Enfin, faut tourner les pages, tout ça. L'odeur du livre. Ah, mais oui, j'allais le rajouter. L'odeur du livre, je pense que ça, ils arriveront jamais à le remplacer, quoi. Ouais, c'est clair. Mais de temps en temps, quand je suis fatigué, mais que j'ai quand même envie d'avoir une histoire avec moi, comme quand j'étais petit. Tac, je me colle un livre audio sur l'iPad, les écouteurs, et je me mets dans le lit, dans le noir, et pouf, et des fois je m'endors avec, alors il s'arrête tout seul, et puis... Voilà. Bon, l'inconvénient, quelque part, des sagas MP3, c'est quand tu... c'est qu'il faut choisir, il faut faire le tri. Il y a beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses moins bien. Il y a bon, du moins bon. Ah oui, c'est normal. Ben, c'est logique. On peut pas classer toutes ces fictions par qualité, parce que ça, déjà, ça serait un peu dégueulasse. Ouais, ça serait vachement sectaire. et puis, il y en a qui se donnent vraiment du mal, en fait. C'est ça. Et c'est fait avec le cœur, vraiment. Donc, et puis, la qualité aussi, c'est subjectif, parce que tu peux avoir une très très bonne histoire, un super scénar, vraiment des personnages incroyables, et une qualité sonore, on va dire, acceptable, mais qui présente un certain nombre de défauts, c'est pas pour autant que on va pas l'écouter, c'est pas pour autant qu'on va la classer dans la partie qui est moins bien parce que le son est dégueulasse. Ouais, c'est clair. Ça reste écoutable et ça reste une bonne histoire, ça reste de bons persos, et ça, donc ça va être une bonne saga, une bonne histoire. Mm. Et puis l'inverse est vrai aussi. Et l'inverse est vrai, tout à fait. Un super son, ouais. De malade, une mise en scène de ouf, des bruitages de qualité, et puis. Et puis l'histoire, elle est creuse. On se fait chier, quoi. Et c'est ça. Alors bon, des fois, t'as envie d'aller. Ah, ça me démange d'aller contacter celui qui a l'histoire creuse avec celui qui a une super histoire avec un mauvais son. Ouais. Vous voulez pas travailler ensemble? Donc voilà. On va se confronter. Ouais. Non, puis après, il y a aussi une progression. Il y a des choses, que t'écoutes de personnes qui sont, là en train de les faire maintenant en 2015, en 2016. Et si tu vas rechercher dans ce qu'ils ont publié peut-être en 2009, en 2010, ben, c'est forcément moins bien, mais c'est normal, en fait. Ça fait partie du cheminement de chaque personne. Alors, oui, du coup, évolution. Voilà. Donc, tu vas avoir un regard plus attendri sur le travail du début. Et si t'avais commencé par ça, t'aurais peut-être pas accroché, quoi. Ben, c'est logique, hein. Il faut bien commencer par un bout. C'est ça. Moi aussi, oui. J'écoutais des histoires quand j'étais petite, pareil sur des cassettes. Après, je me souviens plus du tout des noms, mais je me souviens qu'il y avait une petite sonnette, il fallait tourner la page pour que ça corresponde au la et petite clochette. Il y avait des histoires qui faisaient peur aussi. Ah, j'en ai pas trop eu, moi. C'était des histoires vraiment enfantines, quoi. Mais bon, ça remplace pas les parents, quand même. Hein. Non, c'est vrai. Mais c'est en plus. Ouais, j'aimais vraiment bien ça. Et moi je crois que je préférais, en fait, plutôt que ce soit mes parents qui me lisent des histoires. Alors je sais pas, c'est pas super sympa pour tes parents, ça. Ouais, non, mais en même temps, eux, ça les arrangeait aussi, parce qu'ils pouvaient aller se coucher et puis dormir peinard, quoi, plutôt que allez, on va prendre encore un quart d'heure pour lire une histoire. Ouais, ça me prend une demi-heure de lire le soir avec le petit, et puis mais c'est un plaisir. Après, je pense que les parents qui n'ont pas de plaisir à faire ça, ils bâclent le truc en 5 minutes, et puis au bout d'un moment, ça finit. Le gamin ne réclame plus, et puis on laisse tomber tout ça. Après, on a le droit de ne pas aimer faire ça. Hein. Mais voilà. Mais plus il grandit, plus les histoires sont intéressantes, et plus ça devient intéressant de faire la lecture le soir. Quoi. Mais ça prend une demi-heure. Mais c'est quand même agréable, parce que c'est un moment où, je pense, tu te poses. Tu sors de toute ton activité de la journée, tu passes d'un temps actif à un temps plus passif, un temps où tu vas le prendre pour autre chose, et puis qui est dédié qu'à ça, quoi. De toute façon, quand tu lis, t'es obligé d'être concentré sur ce que tu fais, et puis voilà. Généralement, tu t'installes bien confortablement, et puis c'est parti. Après, moi, j'ai pas d'enfant encore, bah oui, mais j'imagine que c'est aussi un temps privilégié très important entre le parent et l'enfant. Je dis pas qu'il faut le faire. Je dis juste que ceux qui aiment, ça doit être bien. Ceux qui aiment pas, ça doit être une corvée. Comme plein de choses, de toute façon. Mais... Oui, et puis si ça se trouve, ceux qui n'aiment pas, ils compensent ce moment par autre chose. Bah après, il paraît que quand les enfants qui lisent des histoires ou qui écoutent des histoires comme ça, ça les aide à comprendre le monde qui les entoure... Et puis, il paraît même que quand c'est eux qui choisissent le bouquin, ben, inconsciemment, ils choisissent le sujet en fonction de ce dont ils ont envie de parler ou envie de dire à leurs parents. Alors, du coup, je sais pas si c'est vrai, mais... Ça se tient, en tout cas. Enfin, ça a l'air crédible. Ben ouais. Faudrait demander à un pédopsychiatre ou quelque chose comme ça. Oui. Ben écoute, je vais chercher ça, puis je reviens. Ouais. Mais alors, est-ce que nous, une fois qu'on est adulte, on a ce même rapport? C'est possible aussi. Tu veux dire, est-ce que ça se reproduit Pourquoi pas. Une fois qu'on a des enfants, qu'on lit les histoires... Non, je veux dire, est-ce que nous, quand on est adulte et qu'on écoute une histoire, est-ce qu'on retrouve cette espèce de sensation de bien-être de quand on était petit? C'est possible. C'est à ça que j'étais en train de penser. Ben, pour moi, c'est incontestable. C'est la même sensation. Ah oui, t'en es convaincu. J'en suis convaincu, parfaitement. J'ai même du mal à ne pas avoir ma fiction du jour à la fin de la journée, quand je me couche. il faut que j'ai quelque chose pour m'endormir. Alors, pas nécessairement un livre, mais il faut que je puisse penser à l'histoire que j'ai lue ou que j'ai écoutée quand je m'endors. Bah, il paraît qu'en fait, quand tu... Alors attends, faut que je cherche la tournure de ma phrase là. Ouais. Il paraît que quand tu te plonges dans une histoire, hormis le fait que tu décroches de la réalité, ça c'est logique, mais si par exemple tu es en train de lire un bouquin qui est peut-être plus dédié, enfin, pas forcément aux enfants, mais aux ados, ou j'en sais rien, je vais prendre un exemple comme un truc qui parle à tout le monde, comme Harry Potter. Tu retrouves la sensation que tu avais quand tu étais gamin, celle où tu n'as pas encore la perception du monde qui t'entoure de la même façon. C'est-à-dire que là maintenant, quand on est adulte, on a la notion de toute notre réalité, toute la complexité qu'on a entre de la communication entre les adultes, qu'on n'a pas quand on est petit. Quand on est petit, tout est simple. Il n'y a pas de mensonge, tout est vrai, tout est... Voilà. Et du coup, certains disent que quand on lit des histoires comme ça, on retrouve cette sensation-là qui était simple, en fait. Cette innocence. Voilà, Ouais. exactement. Merci. C'est pour ça que j'aime bien être deux dans mon podcast, parce qu'il y a quelqu'un qui trouve les mots que je cherche. Ouais, un C'est côté possible. innocent, quoi. Je sais pas, la vie est parfois tellement compliquée dans les rapports avec les gens et dans notre communication que du coup... Après, on lit, on va au cinéma ou on écoute des fictions sonores parce que on veut aussi s'échapper de la vraie vie réelle et concrète et c'est ça s'est vérifié d'ailleurs scientifiquement hein, que quand on lisait une histoire, les zones du cerveau qui s'activent sont les mêmes que si on était nous-mêmes dans l'action. Ah ouais? Quand on lit l'histoire par exemple, je prends Le Seigneur des Anneaux, quand on lit le passage où Frodon et Sam escaladent la montagne pour aller jusqu'au Mordor, c'est les mêmes zones du cerveau qui s'activent que si on escaladait nous-mêmes, alors pas toutes, hein, évidemment, mais une certaine partie des zones du cerveau qui s'activent quand on escalade nous-mêmes une montagne sont activées quand on lit. Parce qu'on s'identifie aussi quelque part, il y a une espèce d'empathie qui se crée entre le héros, le personnage principal et le lecteur ou l'auditeur. Et du coup, comme il y a cette empathie, cette identification, alors On vit son action à on travers vit lui, son quoi. action, ouais. Alors D'accord. c'est plus ou moins fort selon les individus. T'en as qui ont plus de recul que d'autres. C'est pour ça que certains pleurent devant certains films et d'autres pas. Oui, ça, je pense que tout le monde le ressent, mais je pense que le fait d'être adulte, on se l'interdit aussi. On s'interdit de pleurer devant un film alors que on se laisserait complètement aller. Je pense qu'il y aurait bien plus de monde qui ressentirait des sensations de tristesse ou de joie ou de choses comme ça. Je pense qu'il y a un côté où tu restreins tes émotions parce que ça se fait pas, t'es grand, t'as plus l'âge de ça, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Ah, t'es pas d'accord, bah Je suis dis-moi. pas d'accord, non. Je suis pas Bah, d'accord. déjà parce que moi, quand j'ai envie de pleurer devant un film, je pleure. Peu importe les gens qui y a autour de moi, je m'en fous. Je suis très sensible à la mise en scène et au. Moi, je suis bon public, hein. Tu veux m'emmener sur la montagne du Mordor, moi je suis partant, je suis avec toi. Mais je pense pas que ce soit dû au fait que. Je vais pas me dire, faut pas que je pleure parce que je suis un homme, parce que c'est débile. Je suis pas comme ça. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. En général, les gens comprennent. Tu vois, les gens sont pas cons. Ils savent qu'il y a des personnes plus sensibles que d'autres. Et puis franchement, t'es cinéphile, tu vas voir un bon film. Si tu te moques de quelqu'un qui pleure parce qu'il y a une scène triste, c'est que t'es pas fut-fut, quoi. Enfin, c'est débile. Après, est-ce qu'il y a des gens qui se restreignent parce qu'il faut pas, parce que t'es adulte? Je sais pas. Peut-être, mais je pense pas que ce soit le cas de tous les adultes. Non, non, non. Non, non, je dis pas que quelqu'un se mettrait à rire de ça, pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a un côté Honteux? Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que quand t'es avec quelqu'un à côté de toi qui a les mêmes genres de ressentis et qui se laisse autant aller, tu vas te laisser plus facilement aller. Alors que si tu es à côté de quelqu'un qui trouve ça con ou quoi, ou qui a pas du tout envie de se. Eh ben là, ouais, je vais peut-être plus me restreindre parce que, ouais, mais peut-être que c'est con, j'ai un peu l'impression qu'on va se foutre de ma gueule, alors je vais retenir une émotion, puis la garder pour moi, peut-être. Ouais, c'est possible. Moi, je creuserai ça plus tard. Moi, je suis un peu chiant au cinéma avec les copains. Non, Alors, non, non, non, c'est pas possible d'être plus chiante que moi au cinéma. je suis C'est pas. toujours en train de soit de parler, soit de faire des roars, C'est soit de pas faire des vrai. waouh, c'est trop bien. Et puis des fois, je donne des coups de coude. Hey, regarde, c'est lui, c'est Tom Cruise, c'est Michael Fassbender. Tu vois, regarde. Oh, mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont comme moi. Excellent. Alors, je pensais que j'étais dans les seuls à parler tout le temps au cinéma, mais non. Oh, Alors, je le fais moins maintenant parce que c'est pénible. je me rends compte à quel point c'est pénible pour les autres, mais c'est tellement. Ah, ça démange tellement. J'ai tellement envie de le Oui, partager, le c'est moment que je ça. suis en train de. Ah! Et ouais, d'accord. Donc, ah, tiens, en même temps, j'en profite pour faire un petit coucou à ceux qui nous écoutent et qui savent et qui sont déjà allés au cinéma avec moi. Et j'ai interdiction de parler, je me fais violence. Ah, je me fais aussi violence maintenant, mais à une époque, j'étais le mec le plus expressif de toute la salle de cinéma à chaque fois que je mettais un film, quoi. Bon, donc du coup, comme on était venu parler de podcast, Ouais. ça tombe bien. non, mais voilà. Ce que j'avais envie de dire, c'est pour tous ceux qui n'ont jamais écouté de Saga MP3, parce que tu sais que là, dans ceux qui nous écoutent, il y en a forcément qui n'ont jamais testé. On va leur dire d'aller tester. Bah oui, pourquoi pas? On commence par quoi si on a envie de tester ça? Alors, si on veut tester. Tester et donc du coup ne pas détester parce qu'il faut tomber sur. Moi, je suis convaincue qu'il faut tomber sur quelque chose de bien Bah c'est comme. dès la première fois parce que sinon ça va grincer et du coup tu n'auras pas envie de continuer. C'est comme les bouquins, il y en a qui n'aiment pas lire, mais moi je suis convaincu que les gens qui n'aiment pas lire sont ceux qui n'ont pas trouvé la littérature qui leur convient. Tout à fait. C'est ceux qui ont été forcés de faire des fiches de lecture en Ouais, quatrième, exactement. qui ont lu qui ont lu l'Assommoir à contre-cœur. Oh la vache. Ben, moi, j'ai aimé l'Assommoir, mais après ça, chacun. C'est parce que je pense à ça parce que c'est le premier bouquin scolaire que j'ai lu avec plaisir. Moi, c'était Les Misérables que j'ai adoré. J'ai écouté Les Misérables en livre audio. Ouais. Non, c'était pas en livre audio, c'était les feuilletons de France Culture. Ouais, les adaptations de France Culture. Ouais, et alors il était fantastique, cette Ah, elles adapte, sont c'est incroyables. génial. Les Misérables. Par contre, du coup, je sais pas si on peut retrouver parce que ça date en fait, parce qu'ils ont un répertoire que tu peux retrouver sur quelques mois, mais après, Oui. je sais pas si tu vois si tu peux retrouver vraiment les plus anciennes. Si je retrouve, c'est promis, je mets le lien, mais ça m'étonnerait. Et ouais, j'ai pleuré quoi. Il est vraiment très très très bien fait celui-là. Voilà. Ils sont bons à France Culture. Ils sont très bons, ouais. Et puis c'est un mélange entre le livre lu et la fiction sonore. Tu vois, Oui. il n'y a pas que. C'est pas que de la lecture, c'est de l'interprétation de ce qui Ouais. se passe dans le bouquin. Les Misérables Donc de Victor il y a Hugo. juste le bon dosage en fait. Adapté par Hélène Bleskine, réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Premier épisode. Vous vous appelez Jean Valjean, allez-vous-en. Ce soir-là, monsieur l'évêque de Digne était resté assez tard enfermé dans sa chambre. Madame Magloire entra, selon son habitude, pour prendre l'argenterie dans le placard près du lit. Un moment après, l'évêque se leva de sa table et entra dans la salle à manger. Madame Magloire entretenait mademoiselle d'un sujet qui lui était familier, le loquet de la porte d'entrée. Elle avait entendu dire qu'un rôdeur de mauvaise mine serait arrivé, qu'il devait être quelque part dans la ville. Je dis qu'il faut des verrous, ne serait-ce que pour cette nuit. Oh. Entrez. L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille. Voici. Je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. Je suis libéré depuis 4 jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours que je marche depuis Toulon. Ce soir, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « frappe là ». J'ai frappé. C'était Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin. Premier épisode. Par contre, justement, c'est ce que je conseillerais pour ceux qui veulent se lancer. Ah ouais, ouais. Je pense que... La qualité est déjà superbe. La qualité est super. La réalisation, tout ça, c'est vraiment... C'est pro, quoi, de toute manière. Hein. Patrick Martinache, c'est le bruiteur, enfin le mec qui tient le micro, en fait. Et qui fait les bruitages, et voilà, il fait un travail superbe. Je veux être ce mec. Plus tard, quand je serai grand. Non, moi je commencerai, je conseillerais l'adaptation de Millennium de Stieg Larsson, qui a été fait aussi en film avec Daniel Craig et je crois que c'est Rooney Mara. Enfin, il y a eu plusieurs adaptations du bouquin Millennium. La fille avec The Girl with the Dragon Tattoo. France Culture en a fait une adaptation, alors du premier tome et du deuxième tome, mais le premier tome, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, c'est ça. Le premier tome, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, par France Culture, est incroyable, est exceptionnel. C'est une adaptation, hein, donc, moi j'ai lu le bouquin et il se passe quasiment la même chose. C'est juste que y a certains détails. Qui sont expliqués dans le bouquin, qui n'ont pas grand intérêt dans l'histoire, mais qui sont là pour mettre du contexte, et qui ne sont pas présents dans l'adaptation. Et c'est un bon compromis entre le livre audio et la fiction. Et je trouve cette adaptation fantastique. Alors c'est plusieurs épisodes, je crois qu'il y en a 20 ou 22, qui durent 5 minutes chacun, 5 ou 10 minutes à chaque fois. Donc c'est bien, parce que si vous n'aimez pas... perdez pas votre temps. Si vous écoutez le premier épisode et que ça vous plaît pas, voilà, ça dure que 10 minutes. C'est clair. Mais ils sont encore trouvables, hein, sur le site fiction.franceculture.fr, quelque chose comme ça. C'est le portail justement des fictions de France Culture. Et je crois que Millennium est toujours présent. Millennium 1. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Traduction, Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue, Sophie Bocquillon. Premier épisode. Et je vous propose d'entendre ça. Michael Blomqvist, le journaliste de la revue Millennium, a été condamné ce matin à 3 mois de prison pour diffamation aggravée à l'encontre de l'industriel Hans-Erik Wennerström. Éteins cette télé, Erika, ça me rend malade. Avoir perdu contre ce gangster. Tu pouvais pas deviner que les choses tourneraient aussi mal, que tu te retrouverais sans la moindre preuve. J'ai jamais pris une telle raclée. Un amateur n'aurait pas fait pire. Mais écoute, on a toujours pris des risques, ça fait partie de notre politique. Il faut empêcher la catastrophe. Je suis en train de le coller, ton Wennerström. Je t'ai équipé son appart en petite électronique, t'en reviendrais pas. Il pourra plus gratter le nez sans que je sois au courant. Tu vas voir. Avec moi, il va la cracher toute la saloperie qu'il a cachée au fond du bocal. Mais c'est vrai que c'est très bon. Franchement, c'est très bon. Il n'y a pas que là, hein, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que c'est très très bon. Et puis, c'est, je pense, un bon pas pour après le livre audio. Oui, c'est un bon parce que... Ouais, le livre audio comme ça, débutant blanc, ça peut paraître bizarre quand même. Hein. Ben, ça dépend des lecteurs, en fait. Ouais, ça dépend des lecteurs. Des gens qui lisent le livre. T'en as qui sont extrêmement chiants parce qu'ils parlent comme ça et qui lisent Voilà, ouais. Julie se dirigeait vers le banc sur le parc et attendit son amant. Blablabla. C'est chiant. Puis t'en as qui mettent vraiment de la passion dans... Et qui mettent du suspense. Et... Des fois, il y a même un peu de musique derrière. C'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, donc, on commence par ça. Alors, voilà, ouais. Hein, tous les... Ceux qui nous écoutent, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils aillent tester. Voilà. C'est tout. C'est une obligation. Et puis... Ouais. Après, s'ils n'ont pas peur et qu'ils veulent découvrir directement sans passer par une adaptation littéraire, peuvent aller sur le site d'Audiodramax et écouter les fictions qui sont dedans. Ouais, qui sont proposées. Moi, j'ai commencé par... je sais plus le titre. Celui qui est au fond de l'océan dans sa bulle. Ah, c'est Poseidon. Oui, voilà, c'est celui-là. Il est pas très long. Non, c'est vrai. Il est bien. Franchement, il est vraiment bien. Il est très très bien. David a fait un travail incroyable sur cette série. Elle a été spécialement écrite pour Audiodramax d'ailleurs. Ouais, et ça, ouais, vraiment très très bien, je conseille. 10 janvier 2027. Je suis la procédure. Et la procédure veut qu'en cas de rupture de communication avec la surface dépassant 5 jours, j'enregistre un journal de bord. Que je me présente, voire même que je reparte à zéro. Enfin, façon de parler. Je ne suis qu'un simple guide, un passeur. Celui qui dirige la faune sous-marine en dehors des zones mortes. En réalité, je ne peux pas les sauver d'une zone complètement morte. Mais je peux les guider avant le déclin irréversible d'oxygène dissous. Habituer les espèces aquatiques à un code lumineux nous a pris bien des années. Mais aujourd'hui, la situation est telle qu'ils suivent la lumière de mon phare sous-marin. J'ai envie de croire qu'ils me font confiance. Mais c'est plus trivial que ça. Cette lumière les attire. Depuis mon habitacle de verre, le Poséidome modèle 001, je regarde. J'observe sous cet hémisphère translucide... La zone crépusculaire. C'était le docteur Ambrosia, à 237 mètres de profondeur. La ligne aussi, qui est un peu plus longue. Ouais. Hein. C'est beaucoup plus long. Ah, un peu. Hein. Là, il faut suivre tous les jours. Non. Mais non, dis pas ça, après ils vont avoir peur. Mais non. C'est très très bien. Si vous avez aimé Blade Runner, tout ça... C'est complètement addictif. Donc à partir du moment où on a commencé un ou deux épisodes, c'est pas possible de pas aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est bien. Et puis Antoine Rouault, qui est l'auteur de La Ligne, ouais. Il sait bien y faire avec les cliffhangers. Et quand il termine un épisode... Tu sais que t'as envie d'écouter le suite d'après, parce que... Ah, c'est ça, en fait. C'est pour ça, que ça m'a fait ça. Ah, je comprends mieux, d'accord. Il est doué pour ça, il est très, très doué. Ok. Non, mais voilà, il faut tester. Et puis après, je pense qu'on arrive automatiquement sur... On finit de toute façon obligatoirement sur le site des Netophonics. Ah bah, pour ça, avoir... Oui. Voilà, pour aller voir un petit peu tout ce qui se fait... Et c'est là qu'après, il faut faire le tri. Mais il y a des choses très, très bonnes, quoi. Il y a des... Ouais, c'est rigolo. Donc, voilà. Donc, on va conseiller aux gens d'aller écouter ça. Il n'y a pas que de la fantasy, il n'y a pas que de la SF. Il y en a beaucoup, beaucoup. Hein, je pense qu'il y a une grosse majorité de thèmes qui tournent autour de là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. J'ai écouté un truc récemment... Alors, c'est pas l'appartement, parce que l'appartement, là, c'est clairement... C'est du... Mais fallait pas le dire ! Il faut pas le dire, parce qu'au départ, dans le premier épisode, on sait pas trop encore ce qu'il y a. Ah. Non, mais on s'en doute quand même. Oui, mais pas tout de suite, alors... Ah, il y a quand même une ou deux minutes où on cherche comme ça. Alors, si j'ai spoilé, parce que moi... tu couperas au montage. Oh non, ça va peut-être donner envie à certaines personnes d'aller écouter. L'appartement, c'est très bien fait. Oui, c'est super, c'est bien fait. Extrêmement bien fait. C'est court aussi. Oui. Donc, du coup, ça, je pense que c'est un bon argument pour ceux qui veulent commencer, parce que quand on attaque quelque chose qui est parti pour 5-6 heures, ça peut paraître un gros morceau comme ça d'entrée de jeu. Mais l'appartement, c'est court. Et c'est fini. Et c'est terminé, oui. Oui, l'histoire est finie. Parce qu'elles ne sont pas toutes terminées, hein, ça. Ouais. J'avoue. C'est un processus très long, hein, ah ouais, de faire c'est un normal. Épisode, du coup. Donc, c'est vrai que moi, des fois, j'avoue, je les laisse, en fait. Je ne vais pas les écouter, puis j'attends. J'attends qu'il y ait pas mal d'épisodes pour pouvoir les écouter. Ouais, les faire la suite. Donc, l'appartement, c'est court, il faut aller l'écouter, c'est bien. Et c'est fait par qui ? Tu sais, toi ? François TJP. Voilà, j'avais peur de dire une connerie. C'est un ami. C'est un ami. Moi, je le salue aussi, mais merci, parce que moi, j'aime bien t'avoir dans mes oreilles, François. Je veux dire ça. Puis il est bon, hein. Il est bon. Il fait tout lui-même. D'accord. La musique, les montages. Que c'est sa voix qu'on entend dans l'appartement ? Oui, c'est sa voix, c'est lui qui raconte l'histoire. D'accord. L'appartement. C'est un appartement banal au deuxième étage d'un immeuble de centre-ville. 50 mètres carrés, une chambre, une grande baie vitrée qui donne sur une terrasse. Ça va faire 3 semaines que je n'ai parlé à personne. J'estime d'ailleurs à environ 20 jours le reste de nos provisions. 15 pour l'eau. J'ai pu rapporter beaucoup de choses. Ma sortie de ce matin au supermarché s'est produite sans rencontre. Enfin, c'est ce que je croyais. À l'aube, j'en avais encore jamais vu et pourtant, il m'a suivi et il frappe contre la porte depuis plus de 10 heures. Sans arrêt, quasiment. J'ai pas fait assez attention. Le premier a été découvert il y a environ 2 mois, et personne ne s'était douté de rien. D'ailleurs, on n'en a jamais entendu parler. C'est seulement quelques jours après, quand Londres a été touchée, que les télévisions ont commencé la diffusion. Jusqu'à ce qu'il passe la Manche. Et depuis, plus rien. Bon, bah voilà, c'était de la pub gratuite. Oui. Gratuite. Je lui transmettrai l'adresse pour le chèque. Non, mais voilà. Et c'est pas ça que je cherchais, c'est parce que juste je l'ai écouté la même journée ou la même semaine. Et c'est aussi un truc dans un appartement. Putain, il faut que je retrouve, c'est quand même dingue ça. On se fait un dîner, on se fait une bouffe ? Non, c'est pas un oui, truc comme ça, il y a deux épisodes. On se fait une bouffe, ouais, c'est ça. C'est Asmot qui fait ça. Ah, voilà. Moi, ça m'a plu parce que je me suis dit, ah, enfin, quelque chose qui n'est pas de la fantasy rigolo. Ou de la SF. Ouais, c'est rigolo. Donc, c'est 2 petits épisodes, pareil, super courts. Et puis, c'est marrant. C'est un couple ouais, c'est... dans un appartement avec une petite histoire de la vie quotidienne. Et un événement perturbateur. Voilà. Oh, ça change un peu. Ouais, c'est très drôle. Ça s'appelle On se fait une bouffe et c'est Asmot qui fait ça. D'accord, ouais. Asmot qu'on retrouve dans Les Sondiers, d'ailleurs. Oui, oui. Ah ouais, j'avais percuté. Quand on est un jeune couple et qu'on s'installe ensemble pour la première fois, c'est quand même un grand moment. Faut apprendre à vivre à deux, faut apprendre à supporter, à laisser sa place à l'autre dans la salle de bain, c'est... Et ça encore, ça va, c'est rien. Le pire, quand on s'installe pour la première fois en appartement avec sa moitié... Le pire, c'est que d'un seul coup, tout le monde a envie de venir manger chez vous. Tenez, bah, prenez Seb, par exemple. Seb, c'est vraiment l'exemple typique du gars qui s'invite chez vous sans se soucier de si vous avez à manger dans le frigo, de si vous avez un truc de prévu, ou même carrément si vous avez envie de le voir. Ah, merci, pousse-toi, j'en peux plus, faut que j'aille pisser. Bouge ! Hé hey. Allez, bouge ! Bah, je t'en prie, entre, fais comme chez toi. C'était qui ? C'est Seb. Il est aux toilettes, là. Quoi ? À cette heure-ci ? Oh, dis donc, j'ai soif, là. Et Marco, elles sont où tes bières ? Il y a des légumes dans le bac à bière, là. Mon cœur, t'as raison, j'en peux plus. Faut qu'il dégage d'ici. Pas mon problème. Et... Oh, il y a personne, là. Oh, les balles. Puis il y en a plein d'autres, et il y en a vraiment plein d'autres, mais... Ah bah si on se met à citer tout... Non, peut-être pas citer tout, mais... Si... On n'a pas fini. C'est clair. Mais par contre, quand tu vas sur le site de Netophonix, t'as 6-7 pages avec le nom de la saga, le nom de celui qui réalise, Les acteurs, la durée. Le thème, le style. Le synopsis, les personnages, les nombres d'épisodes, le nom des acteurs, la musique parfois. La licence d'utilisation aussi, des fois c'est du Creative Commons, des fois c'est pas du Creative Commons. Ça permet aussi de voir ce qui est libre et ce qui ne l'est pas. Pourquoi faire ? Enfin oui, je pose la question naïvement, mais pourquoi faire ? Moi en tant qu'auditeur, ça, à quoi ça sert ? Y a certaines fictions qui sont payantes. Ah oui, d'accord, ok. Ah, j'avais pas compris. Tout simplement. Oui, la libellule, je sais plus d'acier. Quoi. La libellule d'acier. Voilà. Et Oui, mais enfin, elle est pas très chère, et je crois qu'elle est à 3 euros. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, c'est moins cher qu'un bouquin. Avec un artwork aussi très joli de la libellule d'acier. C'est quoi un artwork ? C'est une image, en fait, une représentation graphique de... C'est comme une pochette, en fait, de CD ou un poster. D'accord. Voilà. Ok. Alors, il y a... moi, je me suis mis sur le site, là. Il y a 891 sagas MP3 répertoriées, c'est noté. C'est ça. Sur le site de netophonics.com. Donc, je pense que là, quand même, il y a possibilité de trouver son bonheur. Ouais. Et il y a un wiki aussi, qui s'appelle le NettoWiki. Ouais. Alors, une mine d'informations concernant les sagas MP3, leurs créateurs, la création audio en général... Et toute la sagosphère, n'importe quoi. Voilà. C'est ça. Donc, si vous vous intéressez aussi, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est qu'une saga MP3, qu'est-ce que la sagasphère, qui sont les comédiens, d'où viennent-ils, quel est leur but, et toutes ces sortes de choses. Tout un wiki consacré à la saga MP3. Ouais, c'est ce que je vois. Et bien sûr, la liste des sagas MP3. Et c'est ça. Ah voilà, j'ai retrouvé la page. Donc c'est pas forcément. Il y a des avis, mais il y a les bravos. Oui, voilà. Les bravos. Oui. Voilà. Donc ça, je suppose que c'est comme des étoiles. C'est des étoiles. C'est un truc qui est propre à Netophonics. C'est-à-dire que. Alors c'est un classement, on va dire entre guillemets. Des avis qui ont été donnés par la communauté Netophonics sur toutes les sagas qui sont répertoriées avec une note artistique, une note technique et puis des commentaires aussi qui sont postés parfois. Ouais, c'est vrai. Là le tout premier. Ah, donc si on veut apparaître sur la liste, il vaut mieux avoir un titre qui commence par 1 ou 0. Ça, c'est malin, hein. Ouais. Donc, ça marche dans votre vie professionnelle quand vous cherchez le nom d'une entreprise. Commencez toujours par un 1 ou un A pour être en haut des listes. Mais ça marche aussi pour les sagas MP3. Et en plus, ouais. C'est vrai, ça marche bien parce que le tout premier là que je vois sur la liste, c'est 1287. Ouais, par et, Xylan. Ouais, Xylan et Mathieu Quintin. Mathieu Quintin, ouais. Et effectivement, je l'ai écouté la semaine dernière. Alors là, tu vois, c'est médiéval. Catégorie oui, médiévale et humour. Oui, on est ouais, plus dans... Moi, c'était pas mal. Dans cette espèce de médiéval fantastique, parodique. Oui, mais sans être trop con. Oui, c'est vrai. Parce que des fois, c'est parodique, ça peut paraître... Ouais, si, quand même, c'est un peu con, des fois. Mais non, mais là, c'était pas mal. 1287. 13e siècle après Jésus-Christ. Nous sommes en l'an de grâce 1287. Une époque sombre où chaque homme, du plus petit des barons au plus grand des empereurs, ne rêvait que de pouvoir. Une époque où complots, assassinats et machinations étaient les maîtres mots. C'est par une froide nuit d'automne qu'un messager chargé d'une importante missive galopait contre vents et marées en direction de la forteresse de Le Puisay. J'ai un message pour vous. C'est urgent. Faites-moi voir ça. Oh, que c'est ? Foutaise ! Foutrenaille ! Connerie ! Alors, que me vaut ce 35e siège? La Bretagne restera sous le joug du royaume de France. Hein? M'entends-tu? Bien, d'accord. Bien. Fin du siège! On arrête tout! Peuple de Paris, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le siège de Rennes a été un véritable succès. La menace indépendantiste bretonne n'est plus. Et bien que certains se soient amusés à répandre une rumeur affirmant le contraire, la fête de la confiture est maintenue. C'est ainsi que Serge, baron de Le Puisais, fut chargé d'une mission de la plus haute importance. Le royaume était de nouveau menacé. Il devait désormais trouver qui se cachait derrière ces mystérieuses lettres. Et moi, je lis pas en général ce que c'est comme style. Je vais pas écouter les... Ah merde, comment ça s'appelle ? Le petit... Les synopsis ? Oui, voilà, tout ça. J'ai pas envie, en fait. Tu veux y aller direct, tu oui. veux savoir... Ben, c'est pas... Je veux être surprise. Ouais. Donc, je regarde rien et juste si le titre me plaît, j'écoute. D'accord. Ouais. Surprise complète. Et jusqu'à présent, ça va ? T'es pas trop déçu ? Ben, ça dépend. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. D'accord. Ça te donne envie de quand même de continuer à explorer le monde... fantastique des sagas MP3 malgré... Ah oui, bah oui, parce que maintenant moi j'ai accroché, donc j'ai accroché il y a déjà un moment, donc ça... je suis très très bon public. Bon, voilà, bref. Et c'est en commençant par ça que j'ai atterri dans les livres audio aussi. Parce que je pense pas que je me serais mise à un livre audio direct, d'entrée de jeu. Ça c'est quand même... Ça c'est plus hard. Mais bon, voilà. Mais par contre, je pense que si, quand j'avais eu l'âge où on commence tous les livres classiques que tu as au collège, au lycée, ouais. Et ben, je pense que je les aurais eu en audio. Alors, est-ce que je peux dire j'en aurais lu plus ? J'en aurais écouté plus, sûrement. Parce que de toute manière, je ne les ai pas lus. Ah, soyons honnêtes, quoi. Les trucs... Vous lirez jusqu'à la page 60 pour demain, et puis la semaine prochaine, jusqu'à la page 100. Ouais, là, c'est ça. Non. Tu sais que c'est une excellente idée, ça. Tu le fais pas, quoi. Eh ben, moi, j'aurais adoré, en seconde ou en première, pouvoir écouter ça. Et les classiques, ils sont tous en audio. Hein. Oui, tous ceux qui sont gratuits. Voilà, tous ceux qui sont libres de droit, on les retrouve tous en audio. Oui. Flaubert, Victor Hugo, Maupassant. Tous. Tous, faut y aller. Ouais. Il y a Silverson aussi, qui a un podcast comme ça, où justement, il tire des extraits de livres tombés dans le livre parce que les classiques, t'as plus de problème de droit d'auteur. Donc, il prend des extraits et il en fait des lectures comme ça, un petit peu animées s'il y a plusieurs personnages. Donc, c'est lu à plusieurs voix et tout. C'est super, ça. Ouais, c'est super. Moi, j'aime bien. Et donc, du coup, il l'a mis en podcast. Et ça s'appelle Dialogue mondain. Donc, c'est des adaptations audio de certains textes qui sont d'Octave Mirabeau. Moi, je trouve D'accord. ça... intéressant. Puis il en a un autre de podcast qui s'appelle Amstramgram. Alors vraiment, ce n'est pas une plaisanterie, vous avez mangé de la viande humaine. Mais oui, souvent. Mais c'est pas très bon. Hein. On ne mange pas ça du reste par gourmandise. Mais vous savez, j'aime mieux le gigot de mouton ou le beefsteak ordinaire. Oui, parce que sans doute, vous ne mangiez que la viande de nègre. De nègre ? Pouah ! Non ! Mais heureusement, je n'en fus jamais réduit à cette extrémité. Nous n'avons jamais manqué de blanc. Moi, la vie d'un homme, je m'en fiche comme de ça. Et s'il avait fallu que je fusse en Afrique condamné à 3000 francs d'amende et à 5 jours de prison chaque fois que j'ai tué des nègres ou même des blancs, Ah ben merci. Vous tuiez les nègres aussi? Mais certainement. Pourquoi, puisque vous ne les mangez pas? Mais pour les civiliser, donc. Ne portons pas chez les peuples en enfance la lumière occidentale. C'est très amusant. Quand après des marches, nous arrivions dans des villages de nègres, ceux-ci étaient étonnés. Ils poussaient des cris de détresse et ne cherchaient même pas à fuir, tant ils avaient peur et pleuraient face contre terre. On leur distribuait de l'eau de vie, car on avait toujours dans nos bagages de fortes rations d'alcool. Et lorsqu'ils étaient ivres, on les assommait. Pour les civiliser? Sans doute. Mais aussi pour leur prendre leur stock d'ivoire et de gomme. Sans discussion. Moi, je te donne mon avis. Oui. Extérieur par rapport à quelqu'un comme moi qui va juste écouter. Moi, je fais la démarche d'aller télécharger ça sur vos sites respectifs. Ça, c'est bien. Parce que je sais qu'en plus, vous aimez bien avoir les chiffres. Non, oui. C'est pas vrai. C'est parce que j'aime bien quand il y a écrit zip. Intégrale. Ah. Et voilà. Les fameux zip intégrale. Ah bah oui, quoi. Ah, j'adore. Alors, d'ailleurs, tiens, on va faire un point lèche-cul à tous ceux qui font des sagas MP3. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait ma lèche-cul. Merci, parce que vous êtes forts pour mettre des noms de fichiers qui sont des vrais noms de fichiers, avec toutes les cases de remplis. Ah, mais oui, et dans l'ordre. Et quand moi, je télécharge tout ça sur ma clé USB pour la voiture, sur mon téléphone, quoi, parce que je les télécharge, ceux-là. Je les écoute pas du tout en... Je les écoute souvent dans des endroits où je n'ai pas de connexion. Donc, je télécharge tout ça. Mmh. Tout est bien fait. Tout est dans l'ordre. Et quand je mets en route mon lecteur... Les épisodes vont se suivre à la suite, parce que bien sûr, je l'ai fait à la suite. Hein. Ça, c'est agréable et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas toujours dans le podcast. Et attention, hein, je ne critique pas ça du tout, parce que moi, je le faisais aussi. Je ne remplissais jamais cette... Enfin, c'est pas que je m'en foutais, mais ou alors j'en remplissais un bout, tu vois. Histoire juste pour moi de le retrouver dans mes répertoires sur mon ordi, puis j'avais pas pigé forcément... Que c'était utile pour le lecteur, n'est-ce pas, de l'autre côté. Et puis je me suis fait gronder. Mais ouais. Parce que j'ai un auditeur qui m'a envoyé un mail en me disant « Est-ce que tu veux pas, s'il te plaît, remplir ?» Alors, ne serait-ce que remplir les cases, c'est une chose. Mais alors surtout... de donner quelque chose, de donner un titre qui commence soit toujours par la même chose, donc épisode 2.01, enfin, ou, non, je sais pas, je sais plus ce que j'ai marqué, mais épisode 1, épisode 2, ou vous mettre des zéros pour que ça soit dans l'ordre et tout. Moi, en fait, j'avais pas percuté que quand on voulait les écouter dans l'ordre, et ben, ça se met pas dans l'ordre dans un lecteur, parce que c'est n'importe quoi notre façon de renommer les fichiers. Voilà. Donc, au moins, les gars qui font des sagas MP3 et les filles, eux, ils savent faire ça. Alors, quand on télécharge le zip, on a tout bien, tout dans l'ordre et je peux l'extraire. Et c'est... Oh, mais c'est parfait. Voilà. Pour ça, bravo les gars. Les gars et les filles, mais quand je dis les gars, c'est tout le monde. Voilà, j'ai fini. Bah non, mais très bien. Moi, je faisais l'erreur. Je le faisais aussi au début, évidemment. Je ne savais pas. Mais il faut me le dire, hein, quand je fais des conneries. Alors, moi, je suis de très bonne composition, donc je ne me vexe quasiment jamais. Et quand on m'explique bien, j'en prends bonne note. Donc maintenant, j'y fais très attention à tout ça. Voilà. C'est bien. Ah, n'est-ce pas? On va y arriver à la fin, hein. Bah ouais. Je pars de loin, alors il faut m'expliquer longtemps, c'est tout. Mais après, c'est bon. Ouais, enfin, bref, voilà. J'ai fini. C'était quoi que tu voulais dire? Tu te souviens plus, hein? Non. C'est normal. Ça fait toujours comme ça. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour des sagas MP3? Oh, bah, je crois que oui. Ouais, on en a parlé. On a bien parlé. Un petit peu. Est-ce que tu écoutes des podcasts, en fait, aussi? J'en écoute pas beaucoup. Bah oui, t'as pas le temps de tout faire, parce que entre le cinéma. La lecture, la composition, je suis sûre que tu es aussi quelqu'un qui compose de la musique. Oui. N'est-ce pas? L'écriture. L'écriture, ouais. La réalisation, le montage, le mixage. Les sondiers, les abyssales. Ouais, ça te laisse pas beaucoup de temps non plus pour écouter autre chose, pour écouter c'est d'autres ça. Choses. Bah oui, c'est logique. Donc je suis pas régulier, puis, j'attends pas les épisodes toutes les semaines. Il faut reposer ses oreilles de temps en temps. Ouais. Alors t'écoutes quoi ? Alors j'écoute Walter Proof. Donc le Wewesh, le Wapix, la Breluche Dorée, et, tout ce qu'il fait en fait. Je connais pas. Walter Proof, voilà. Avec son chien oui, Pompidou. Tout à fait. Il fait aussi de la fiction sonore. Mm-hmm. Un peu comme ce qui se faisait à l'époque de Pierre Dac et Francis Blanche. C'est un peu dans le même esprit. C'est un peu du théâtre radiophonique, on va dire. C'est très, très sympa, très drôle, très mm-hmm. frais. Donc il y a la Breluche Dorée. Oui. Colibacille. Colibacille, oui. Et le dernier, là, qui est sorti ou va sortir, j'ai pas c'est fait attention. En cours, c'est crois. En cours, hein. Les castings sont finis, les voix des personnages sont choisies. Et puis oui. voilà. Et puis peut-être que quand notre épisode sortira, il y aura un épisode du dernier qui va sortir. C'est ça. Qui sera sorti, je pense. Mmh. Oh, mais oui. Il est... L'avantage avec Walter, c'est qu'il est rigoureux dans, ses, oui. dans l'édition de ses productions. Donc, on sait qu'on va avoir les épisodes de manière régulière. On peut attendre sans se tromper. Ou, voilà. On n'attend pas pour rien. On sait que ça viendra et on sait que ça sera bien. Là, je ne suis pas objective, mais... non, mais je suis pareil. Donc, non, c'est vraiment, vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est Walter Proof. Les chouïa Pompidou, alors. Ouais, les chouïa Pompidou aussi. Parce qu'on l'oublie trop souvent quand on parle de Walter. C'est aussi Pompidou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'écoute ? La galaxie de Florence Porcel. Mm-hmm. C'est aussi un peu une chouchou. Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'univers. L'autre jour, je suis tombée sur ça. Très, très passionné de science et tout ce qui touche à l'astronomie, l'astrophysique. Est-ce qu'elle est toujours dans La Tête au Carré ? Je ne sais pas. Elle intervenait, hein, intervenait. Oui, elle était dans La Tête au Carré sur France Inter. Mm. Je crois qu'elle n'y est plus. Ah ouais ? On touche quand même pas mal au sublime, hein, là quand même. La réalité est souvent bien plus incroyable et bien plus belle que toutes les images de science-fiction qu'on peut trouver. C'est merveilleux, j'y passerai des heures, c'est trop génial. Sinon, je me demande un truc depuis tout à l'heure. Tu crois qu'on est seul dans l'univers ? Mais non ! Oh mais quand est-ce que vous venez ? Allez quoi ! Mais venez, venez ! Et voilà, vous pouvez fermer Internet et ouvrir un livre. À la prochaine ! La galaxie de Florence Porcel m'a donné envie d'acheter le DVD d'Alexandre Astier, l'exoconférence. Parce qu'elle a fait un documentaire sur l'exoconférence avec Alexandre Astier et Étienne Klein, mm-hmm. Qui est vachement bien. Vraiment, vraiment vachement bien. Et je me suis dit, allez, c'est bon, je prends le DVD. Et puis je le regarde et j'ai pas regretté, parce que c'est super. En même temps, c'est Alexandre Astier, donc tout ce qu'il fait est super. Mais c'est vrai que c'est très très bon. C'est très bon. Je me tâtais encore à acheter le DVD, mais c'est vraiment son docu qui m'a convaincu de le faire. Et en plus, elle fait ça très bien. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que j'écoute encore ? Passé une époque, j'écoutais l'apéro du Capitaine. Mm-hmm. Parce que c'est une bonne ambiance. Voilà, on rigole. On est entre potes et puis on apprend des trucs. Mais j'écoute plus trop maintenant. Ça fait quelques mois maintenant que je n'écoute plus l'apéro du Capitaine. Qu'est-ce que j'écoute Alors voilà, il y a Radio Kawa. Oui, Radio Kawa. Aussi. Mais alors, on peut pas écouter Radio Kawa. Il y a plein de choses. Faut choisir. On est d'accord. Voilà. Mais dans Radio Kawa, j'écoute Passe le Stick. Ouais. J'écoute Tévénère. D'accord. Allo Centrale. Donc tout cela, je les connais pas. C'est bien, j'aime bien. Alors, je vais vite me les noter. Ouais. Bon, on passe le stick. Je suppose que c'est un truc de jeu vidéo. Oui, mais c'est pratiquement que du jeu vidéo. Enfin, il y a passe le stick. Il y a l'étolier, qui est beaucoup d'actu jeux vidéo. D'accord. Et quand tu choisis d'écouter Radio Kawa, tu l'écoutes comme une radio? Et tu fais selon ce qui est diffusé, parce que je suppose que c'est qu'il y a un truc qui diffuse des podcasts toute la journée. C'est une question con. Ça se trouve, ça fait pas ça. Ou tu l'écoutes comme non, un podcast. Je ne pense pas. Non, j'écoute vraiment un podcast. Hein. Je télécharge et puis j'écoute. Ça fait peut-être pas ça. En fait, moi, je me suis toujours dit que Radio Kawa c'était un truc comme Pod Radio, quoi, qui avait des podcasts qui étaient diffusés toute la journée. Alors, il y a des lives. Ouais. C'est diffusé en live, en fait, mais que quand ça sort, en fait. Ah, d'accord. C'est diffusé en live, et puis après, il y a le podcast en rediffusion. Ok. Bon, d'accord. Alors, il y avait le lundi matin, on s'appelle... comment ça s'appelle avec Faskil. Morceau choisi, oui. Ça, c'était mon lundi matin préféré. Enfin, et c'est fini. Voilà. C'est fini. Ouais, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Ouais. Et je suis très déçu parce que c'était mon lundi matin, 7h. Quand il faisait beau, c'était le petit déj sur le balcon, le café, la tartine et morceau choisi. Le lundi matin. Et c'était génial. Enfin, c'était mon petit moment matinal du lundi. J'adorais, quoi. Je suis un peu déçu que ce soit fini, mais bon, c'est. Tant pis. C'est comme ça. Et puis voilà. D'accord. Voilà à peu près ce qu'est-ce que qui a fait que t'es tombé sur Radio Kawa? Bah parce que c'était un partenaire de Synops Live, qui était une web radio, un peu du même principe que Radio Kawa, que j'ai été animateur sur Synops Live, j'ai fait quelques émissions. Et puis les sondiers, quand ils ont commencé, on était diffusés sur Synops Live. Et donc du coup, Radio Kawa faisait partie de ce réseau avec Synops Live. Et du coup, bah, j'étais tenu au courant de ce qui sortait, et c'est comme ça que je les ai découverts. D'accord, voilà. Ok. D'accord. Il y a... Ouais, non, je connais pas. Bon, enfin bref. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil du truc. Bon, bref. Il y a une émission qui est très drôle qui s'appelle Ta gueule. Oui. Ah, mais c'est même pas vraiment une émission. C'est des petites capsules. Oui, quoi. C'est une petite capsule, un petit bonbon comme ça, qui t'explique un mot et qu'il faut pas le dire comme ça, mais plutôt comme ça. Oui, c'est des règles d'orthographe et de grammaire. Voilà, c'est ça. Le générique est pas mal. Ah, ça, c'est bien, ça. Et j'aime bien le titre, j'aime bien, ça s'appelle Ta gueule, parce que c'est un truc, quand quelqu'un prononce mal un mot, c'est ce qu'on a envie de lui dire, quoi. Ouais, non, c'est pas mal fait, ça dure, je sais pas. Une minute, ouais, quelque ouais, chose comme ça. Ouais, une ou deux minutes, quoi. Oh, c'est vraiment très drôle, c'est bien fait, c'est, ouais. Il faut aller écouter pour tester. Ouais. Ta gueule. Et c'est très, très virulent, quoi, c'est... Oui. Après, moi, je suis plus... ce que je fais le plus, c'est les vidéos YouTube. Ouais. Que je regarde beaucoup. Alors, c'est pas de l'audio, mais ça pourrait presque être de l'audio, parce qu'on n'a pas... Mais tu les écoutes sans les regarder, quoi. Si, je les regarde quand même, parce que... Ouais. Parce que tu peux t'asseoir devant ton ordi. Voilà, je suis devant l'ordi, et donc je regarde. Mais voilà, tout ce qui est y penser, Dirty Biology... Là, ce genre de choses, de chroniques scientifiques, de vulgarisation scientifique. C'est surtout ça, moi, que je regarde. C'est bien parce que j'apprends plein de trucs. Et puis, c'est drôle, parfois. Enfin, c'est bien, bien fait, bien filmé, bien monté. Voilà. Ouais. C'est rigolo parce que c'est en invitant des personnes à faire des tête-à-tête avec moi que... J'ai justement ces indications pour aller voir des trucs sur YouTube. C'est rigolo parce que clairement, c'est pas ce que je tape dans ma barre de recherche. Ouais, mais il n'y a pas que des gens qui jouent aux jeux vidéo sur YouTube. Hein. Il y a aussi des trucs bien. mais c'est pas. Ouais, mais c'est pas trop ça que je regarde moi sur YouTube. Je regarde beaucoup de tutoriels. Ouais. De plein de choses. Ouais, de plein de choses. J'utilise vraiment YouTube comme une plateforme d'apprentissage. Complètement. Complètement. Par curiosité, comme je suis très curieuse quand quelqu'un me donne le nom d'une chaîne ou le nom d'un podcast, en général, je vais toujours faire un tour pour voir ce que c'est. Et du coup, là, c'est rigolo parce que tu me parles de ça et je me dis, ah ouais, tiens, je connais. J'aurais clairement jamais tapé ça sur YouTube, mais du coup, je connais, c'est cool. Ma barre d'abonnement YouTube est blindée, hein. Il y a Minute Papillon. Minute Papillon, c'est génial. C'est super. Ça, c'est... C'est Kenton qui me l'a fait découvrir. Puis après, ça te laisse, ça te fait aller sur autre chose, autre chose, autre chose. C'est ça qui est bien aussi, après, la proposition, quoi. Ça t'emmène vers des trucs bien aussi. Hein, y penser, Axolot, Solange te parle. C'est qui est très soit t'aimes, soit tu détestes. C'est moi qui t'en ai parlé ou tu dis ça juste parce que t'écoutes ? Non, j'écoute. Mais j'ai vu un tweet passer... chez toi, qui m'a plu. Oui, parce que moi, je suis amoureuse, peut-être. Ouais. Je suis amoureuse de Solange, je te parle. Je la trouve tellement tarée. Mais oui. Que je l'adore. Mais c'est marrant, parce que les gens, soit ils adorent, soit ils détestent. Ah bah, elle a un côté... bon, c'est un personnage, mais en même temps... Oui, c'est un personnage. C'est pas qu'un personnage, je pense. Non, et je pense qu'il y a un fond de... Elle est quand même un petit peu... ouais, un petit peu, quoi. Et... mais je tombe aussi bien amoureuse des hommes que des femmes. Enfin, et quand je dis tomber amoureuse, c'est pas dans le sens littéral. C'est vraiment, oui. C'est parce que les gens me touchent ou je trouve ça sympa. Alors j'utilise ce mot qui est trop fort. On est bien d'accord, mais c'est parce que je l'aime bien. Je peux très bien. Je peux tomber amoureuse de n'importe quoi. Ça peut être d'un film aussi. Je tombe amoureuse de plein de choses, moi. Je vois ce que tu veux dire. Et je sais pas, un truc comme ça qui fait que ça marche. Et puis qu'est-ce que j'ai écrit dans le tweet, j'en sais rien. La dernière fois j'ai vu, tu as dit que tu étais amoureuse de ses mains. Solange et de la chorégraphie de ses mains. Oui, je suis amoureuse de ses mains. C'est vrai. Ah, mais je trouve ça bien, c'est poétique. Mais parce qu'elle bouge tout le... Bah, après, on se retrouve aussi forcément dans les personnes qui nous touchent comme ça. Ouais. Et cette façon qu'elle a de bouger tout le temps, de bouger ses mains, ça me ressemble beaucoup. Alors, j'aime bien. Mais comme c'est du podcast audio, eh bien, vous ne verrez jamais mes mains bouger, voilà. Vous êtes punis. C'est comme ça. Si vous voulez savoir comment mes mains elles bougent, ben vous allez voir Solange. Et puis vous verrez mes mains bouger. Ouais. La dernière fois, je suis tombée sur un épisode de Solange te parle où elle parlait de l'amour. Vie. Puisque... Elle parle beaucoup d'amour. Hein, Ouais. Et non, c'était. Je crois que l'épisode, il s'appelle tout simplement Je t'aime. Oui. Et c'est juste beau, quoi. Voilà. C'est parce que les gens, ils ont rien compris. Alors, elle vient leur expliquer. Et puis, c'est juste beau. Et elle a aussi fait une capsule où elle lit une partie des pires commentaires qu'elle a reçus. Ah oui. Et c'est abominable, quoi. C'est horrible. C'est du troll pur, agressif. Je me suis senti mais tellement mal à l'aise quand. C'est vrai. Oui. Ah non. En même temps, elle dit ça aussi. Bon, avec un détachement. Attends, c'est le détachement du temps. Je suis convaincue de ça. C'est le détachement du temps et pas du tout le détachement qu'elle peut avoir. C'est après, quand tu l'as dégiré. Ouais. Mais c'est comme tous les. C'est comme toutes les choses négatives que tu peux recevoir. Je ne parle pas forcément d'un commentaire, ça marche aussi très bien dans la vie. Ouais. On dit que pour une chose négative, il t'en faut au moins 7 positives pour pouvoir encaisser la première. Ok. Voilà. Alors moi, les gens sensibles, il en faudra 10. Les gens pas sensibles, ils arriveront à passer sur la première. Ouais, voilà. Ouais. Très bien, bravo. Moi, il m'en faudra peut-être 20. Non, j'en sais rien. Non, je dis une connerie, mais ça marche même pour la ça marche même pour le commerce ou pour un restaurant. Un client qui n'est pas satisfait, il va pas retester une fois, être satisfait, ça lui suffira. Il faudra qu'il reteste au moins je ne sais plus combien de fois, pour que ça compense la fois où il a été mal servi ou la fois où ça s'est mal passé. Pour encaisser un commentaire comme ça, c'est pareil. Il t'en faut beaucoup plus de positifs pour pouvoir les encaisser. Donc, quand elle arrive à avoir ce détachement dans sa vidéo, je pense que c'est surtout le temps qui fait que... Parce que le coup, quand tu reçois ça, même si tu sais que c'est du troll gratuit, tu le prends quand même en pleine tête. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ça ne peut pas ne pas te toucher. C'est pas possible. Mais c'était violent, hein. Ah, mais y a des trucs, mais horribles. Que j'ose même pas les répéter, quoi. Moi non plus. Faut aller voir la vidéo, parce que c'est immonde. Ouais. Comment y a des gens qui arrivent à dire des trucs pareils à des gens? Alors, on pourrait faire la psychanalyse du... La psychanalyse du troll. Ouais. Mais... Bon, alors déjà, c'est gratuit. Alors, il y a un truc qu'il faut surtout pas négliger aussi, c'est l'anonymat. Ouais. L'anonymat rend les gens primales. Ouais. Cons. Parce que finalement, parce que c'est ce qu'on... Je sais pas si c'est ce qu'on est, mais en tout cas, quand c'est anonyme, on a une facilité à être un connard, quoi. Mm. On s'en fout. T'auras jamais de compte à rendre. Mmh. C'est vrai. Ah ouais. En même temps, je sais pas si ça s'appelle tranche de haine. Oui, c'est ça. Mais je sais pas si quelqu'un a envie de découvrir ce genre de choses. Je te parle. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça que t'as envie d'aller voir en premier? Bof. Non. Surtout pas. C'est pas ça. Si vous ne connaissez pas Solange Je te parle, ne commencez pas par tranche de haine. Ben non. C'est tellement pas ça. Il faut Solange aller la voir se laver les cheveux. Oui. Non, je déconne. En plus. Ou passer la journée dans ses toilettes. Ah, je l'ai pas encore regardé. Ah. C'est. Non, mais il y a des choses qui sont vraiment philosophiques. Ouais. Ah, elle est bien. Elle est folle, mais elle est bien. Mes préférés, c'est quand elle fait la liste des films qu'elle a dans son étagère. C'est drôle, c'est poétique, c'est y a plein de. Elle est toute excitée, elle est. Ouais, c'est sincère. Hein. C'est sincère, ouais. C'est vraiment. C'est complètement sincère. C'est non, moi j'ai aimé celle où elle essaye de se coucher tôt. Ouais. Ça, je me retrouve un peu dans. Ah ouais. Dans ça, j'arrive pas à me coucher tôt. Et puis celle où elle dit je t'aime, alors non, c'est vraiment trop beau, quoi. Mm. Ça correspond exactement à ça. Ça correspond exactement à moi. Voilà. Alors ouais. Vous allez voir la vidéo de Solange. Solange te dit je t'aime. Mmh. Et ça dure pas longtemps. Elle a presque 1 million de vues. Ça m'étonne pas du tout. Et voilà. Mais moi, je suis convaincue que ceux qui détestent Solange te parle, quelque part, ils l'aiment quand même. Excellent. Je peux pas ne pas. Tu peux pas. Alors je peux comprendre que tu sois que ça te crispe, que ça t'énerve. Oui. Mais tu peux pas ne pas aimer ça, quoi. Ça te crispe ou ça t'énerve, mais je suis sûr que quelque part au fond de toi t'aimes ça. C'est parce que t'es malheureux. Ça fait chier, tu sais, de voir des gens qui sont. Et quand tu es quelqu'un qui n'arrive pas à t'exprimer, ça te fait chier de voir quelqu'un qui arrive à s'exprimer. Quand tu vois quelqu'un d'heureux et que toi t'es triste, mais t'as envie de le tuer, c'est comme quand t'es seul et que tu vois des gens amoureux, t'as juste envie d'aller leur en mettre une. Oui. Et ben c'est pareil. Pour moi c'est pareil. Voilà. C'est Quelque chose que t'aimes pas, c'est parce que ça te frustre. Peut-être pas sur tout, hein. On est d'accord. Mais sur des choses comme ça, ouais, je pense que c'est parce que t'es frustré. Je ne sais pas. Donc ceux qui m'écoutent là et qui aiment pas Solange, ils doivent penser que je suis une grosse connasse. Tant pis, ma foi, c'est pas grave, je vais l'assumer. Et je lui dirai d'aller aussi voir l'épisode de Solange, je t'aime. Ouais, Solange, je te dis je t'aime. Toi aussi qui es frustré et qui pense que je suis une grosse connasse, eh ben, je t'en veux pas parce que je te comprends. Je parle comme Solange là. Mais je t'en veux pas parce que je te comprends. Et puis on a tous été comme ça à un moment. On a forcément tous détesté quelqu'un à un moment. Ben oui. Sinon on serait pas humain. Eh ben oui, voilà. On déteste un truc parce que nous on n'y arrive pas et puis que les autres ils y arrivent et puis... Et puis quand on est petit, eh ben, on nous dit mais c'est parce qu'il est jaloux. Tu sais ouais. On a dévié un peu là quand même. Hein. Ouais. Bon. Tu m'avais prévenu en même temps. Hein, ouais. Que on allait causer un peu tout et n'importe quoi. Oh, mais j'aime bien. Bah écoute. Écoute. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je suis contente d'avoir abordé le sujet des sagas MP3 que j'avais en. Je pense que j'en avais pas encore trop parlé. J'avais peut-être cité un ou deux trucs comme ça par-ci par-là, mais du coup, c'est vrai qu'on n'avait pas abordé le sujet plus en détail sur le pourquoi du comment et pourquoi on va en écouter et qu'est-ce que ça nous fait, parce que ça nous fait des frissons d'entendre dans nos oreilles. C'est mieux qu'un film. C'est mieux qu'un film quand c'est bien fait. Parce que le film, si tu fermes les yeux, il te manque des choses. Oui. Alors que là, tu n'as que le son. Et tout ton imaginaire arrive à compléter ce qui manque. Voilà. Et puis le film, les images, on te les impose. Exactement. Donc là, en fait, c'est comme si, quand tu lisais un livre et que tu t'imaginais les bruits de vaisseaux spatiaux, et bien là, tu les as. Ouais. Mais c'est toujours toi qui t'imagines ton vaisseau spatial comme voilà, le meilleur vaisseau du monde. C'est parce ça. Que c'est toujours le meilleur que t'imagines. Hein. Tu t'imagines pas un truc mal fait avec une mauvaise 3D. Avec... Non. Le vaisseau de ton imaginaire est toujours le plus beau. Et ben là, en plus, t'as le son. Voilà. Ouais. Et voilà. Non, c'est quoi ? Il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont encore pas eu le déclic d'aller en écouter ? Honte sur vous. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous arrêtez tout de suite d'écouter Une Fille, un podcast et vous allez tout de suite cliquer sur les liens qu'on vous mettra dans l'article. Il faut, voilà, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas avoir écouté une conversation qui est maintenant de l'ordre de presque 2 heures ouais. De Jay et moi-même. Et ne pas avoir eu envie d'aller en écouter une. Voilà. Ouais, c'est obligé, là. Faut que vous y alliez. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous mettrai tous les liens. Je vous mettrai aussi les liens d'un site Bélissère Radio ou Bélissère Audio, où on trouve aussi pas mal de choses. Ouais, la Bélissère House. Bélissère House. Ouais, bien, merci. Et tu as un coucou à Nouma qui s'occupe de ça. Je vais vous dire à la prochaine fois et on va faire la conclusion là maintenant. Jay, oui. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on coupe ? Courgette. Ok, d'accord. Est-ce que ça suffit ? Oui, c'est bien, c'est parfait. Ok, voilà. Non, mais merci beaucoup de m'avoir invité, c'était très cool. J'ai apprécié de discuter avec toi. Et puis, ben, J'espère que ça va aller pour les prochaines, que ton émission durera longtemps, que tu auras plein d'auditeurs, parce que tu le mérites, parce que tu fais du bon boulot. Ah. J'aime beaucoup, j'ai oublié un truc, c'est que tu fais partie des podcasts que j'écoute. Ça aussi, j'ai oublié de le préciser. Et que voilà, j'aime beaucoup t'écouter. Voilà. Et c'est sincère. C'est pas du tout du. Merci. Du lèche-botte. Ben merci. Voilà. Non, mais c'est important. Je trouve que c'est important de le préciser. Ok. Voilà. Je le prends et je le reçois avec plaisir. Ah ben, j'espère. Donc, on se retrouve dans les sondiers, les sondiers. Tous les 15 jours ? Voilà. Enfin, le premier et dernier dimanche de chaque mois. En live, mais après on peut en se le faire en podcast. Sur... Voilà. lessondiers.com. Et... on me retrouve dans les abyssales avec Redscape. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les abyssales, c'est un podcast de musique électro qui propose des titres de label. Oui, c'est ça. Et qui est bien aussi. Donc quand vous avez fini d'écouter les sagas MP3, toutes, les 893 qui sont sur les... vous savez pas quoi faire, vous allez écouter... non, c'est pas vrai. Vous allez écouter les abyssales parce que c'est bien. Et puis parce que j'aime bien aussi. Et on te retrouve aussi sur Twitter, si on a envie de discuter avec toi. Ah bah oui, bah avec grand plaisir. En plus, je suis très bavard sur Twitter quand je m'y mets. @dramadiffusion, DRAMADIFUSION. Voilà, mon Twitter. J'accepte tout le monde. Je suis pas sectaire. Ok. Eh bien, c'était un plaisir de discuter avec toi. Pour ceux qui ont des... envie de discuter avec moi, c'est sur Twitter aussi, à @kikrin. Et sinon, ben, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Ciao. Et là, t'as le générique. Ouais, on coupe. Il n'y a rien à... Enfin, je veux dire... voilà, on coupe l'enregistrement, là. On n'a rien à rajouter de plus, enfin, je sais pas, ou... T'as coupé ou t'as pas coupé ? Non. J'ai coupé, moi. T'as coupé. Non, je coupe. Bon, alors, je voudrais parler de Bruno Muschio. Que... Ouais, il faut dire qu'en fait, on a fini d'enregistrer, mais quand même, on a oublié de parler de quelque chose, alors on revient. Voilà, on refait un enregistrement. Vas-y, parle-nous des deux choses. Ouais. T'as droit à deux choses. Deux choses. La première chose, c'est Marcher c'est parti, Parler. Je t'écoute. Marcher Parler. Marcher Parler de Bruno Muschio, alias Navo, qui est le co-auteur de Bref, la série Bref avec Ken Kojandi. De manière générale, sa chaîne SoundCloud, parce qu'il a fait les invités de. Alors, c'est les invités de mes invités sont mes invités, un truc comme ça. L'invité de mon invité et mon invité, enfin un truc comme ça. C'est vachement bien. Il a fait un truc qui s'appelle Marcher Parler, où il se rend à son travail et pendant qu'il marche, en fait, il allume son micro et il parle. Oui. Et c'est vachement bien. Alors depuis, t'as plein de trucs, plein de gens qui ont fait la même chose, qui ont fait plein de marchés parler de leur côté. Ce qui m'a donné envie d'ailleurs de faire du marcher parler moi aussi. Et puis je pense que ça doit faire du bien. Peut-être, ouais. Ça doit faire du bien. Parce qu'on, bon, hormis le côté physique, formuler ses pensées ou ses interrogations, ça c'est déjà, on dit, oui, et c'est déjà une partie de la réponse. Exactement. Alors évidemment, dit comme ça, pour ceux qui connaissent pas, vous vous demandez certainement, mais qu'est-ce qu'il peut bien dire s'il dit pas... Il dit pas n'importe quoi. Il parle quand même de sujets qui sont importants. Ça parle de motivation, ça parle de les choses que tu fais, est-ce que tu vas les réussir ou pas. Ça parle aussi de ce qu'il fait lui d'habitude, comment il travaille. Enfin voilà, c'est des sujets comme ça qui sont un peu jetés en l'air comme ça, et qui fait pendant qu'il marche, pendant qu'il se rend au boulot. Et c'est très intéressant. C'est sur SoundCloud. Chercher Navo sur son cloud. Oui, ou on tape simplement marcher parler, on tombe dessus. Hein. Ouais. Alors peut-être moins maintenant, parce qu'il y en a plein qui font des marcher parler maintenant. Ah bah moi j'ai tapé marcher parler dans la barre de Google et je suis tombé directement dessus. Directement sur lui ? Ok. Ouais. Ah ouais. C'est cool. De toute façon, tu mettras le lien sur, dans l'article, je suppose. Oui. Donc voilà. Ça c'est vachement bien. Et le deuxième truc que je voulais parler, ça s'appelle L'Original. C'est un podcast fait par Thomas Hercouet. Vous connaissez probablement La Nuit Originale, qui est en fait pendant 24 heures. Ça se passe en live sur YouTube. Et donc Thomas Hercouet invite des gens autour d'une table. Alors c'est Boulet, c'est Pénélope Bagieux parfois, c'est... le Studio Bagel ou Golden Moustache. Ils ont invité, je crois, un coup Frédéric Courant comment ça s'appelle l'émission scientifique avec le camion là et Marcel et tout ça. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, voilà, c'est ça, merci. Ils ont invité Frédéric Courant de C'est pas sorcier. Ah ouais, d'accord, ouais. Et voilà, et pendant 24 heures, je crois que c'est 24 heures, c'est 48, alors, ça me paraît. Alors, la nuit originale sur YouTube, la diffusion fait 12 heures. Ouais. Donc c'est les 12 premières c'est les 12 premières heures de la nuit originale. Alors tu peux la revoir en intégralité ailleurs. C'est ça. Et l'autre partie fait aussi 12 heures. Oui, donc ça fait 24 heures, effectivement. Donc pendant 24 heures, tu as différentes personnes qui se relayent autour d'une table. Et alors, parfois, ils font des jeux, parfois, ils font des quiz. Parfois, ils parlent de choses insolites. Il y a Axolot qui intervient aussi régulièrement dans la nuit originale, qui raconte des histoires insolites, comme il sait si bien le faire. Il y a le fossoyeur de films qui vient aussi de temps en temps. Enfin voilà, c'est Antoine Daniel est déjà venu. C'est vachement bien. Alors c'est quand même mieux de quand ils sont vraiment en live, en direct. Ouais. Parce qu'il y a l'instantanéité du truc. Et puis vous pouvez, vous êtes pas obligé de tout écouter 24 heures d'affilée, c'est pas possible. Mais de temps en temps, enfin il se passe toujours des trucs. Donc quel que soit ce que vous regardez, à l'heure à laquelle vous arrivez et tout ça. Il se passe un truc bien. C'est drôle, c'est instructif, on apprend des trucs. Voilà, c'est cool. Et il y a, donc ça fait partie d'un podcast qui s'appelle L'Original, qui est aussi sur SoundCloud. Oui, il est aussi sur SoundCloud, effectivement. Voilà, Thomas Hercouet invite des gens et qui parlent de ce qu'ils savent faire le mieux. C'est-à-dire c'est-à-dire. Ah, oui, ok. Leur domaine Excuse-moi. De prédilection, quoi. Oui, non, mais. J'ai cru que tu allais dire un thème précis. Non, pas spécialement. Mais ça reste aussi tout à fait intéressant. Alors, ouais, qui sont ces gens? Donc, il y a Y Penser, Adrien Méniel, Yacine Bellous, Antoine Daniel, Arnold Boiseau, Flaubert, Boulet, le fossoyeur de film, Axolot. Il y a aussi Navo. Bruno Muschio, qui est passé dans Qui sont ces gens. Et qu'est-ce que je vais trouver? Il y a un épisode qui s'appelle Masturbation, sodomie et hélicobite. Ah ben voilà, t'as dit tout ce qu'il fallait voilà. Pour que les gens aillent voir. C'est ça, d'accord. Et le quiz insolite de Patrick Beau, enfin voilà, c'est... Ok. J'ai 165 épisodes. Ouais. Et puis un jour, il a pris son micro et il est parti à la marche républicaine qui a eu lieu le jour de Charlie Hebdo. Ouais. Il a pris son micro et puis il est parti à la marche républicaine comme ça, en enregistrant un peu ce qui se passait autour. Donc on est en plein cœur de la marche républicaine et c'est aussi un truc à écouter, quoi. Voilà, ça parle de plein de trucs. Ça parle de... Il y a un épisode sur le féminisme. Alors, ça parle aussi beaucoup de féminisme parce que Thomas Hercouet est le fondateur, je crois, ou un journaliste à Mademoiselle. Oui, d'accord. Donc, je crois que c'est le fondateur de Mademoiselle.com. Voilà. Elles font aussi un podcast, elles. Oui. Il y a un magazine et un podcast. Oui. Voilà, oui, Marion okay. Montaigne, Boulet, Verino, François okay. Descraques, plein de gens bien qu'il faut aller écouter. Voilà. Eh ben c'est cool. Bon, on a bien fait alors de rajouter ça parce que ça avait l'air de te tenir à cœur. Oui, ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est... J'écoute pas beaucoup de podcasts, mais ceux-là font partie de ceux que j'écoute le plus, je crois. Je trouve ça fascinant et les gens qui sont dedans sont très brillants, ils parlent bien, ils disent des choses qui me touchent. Et voilà. Et j'espère qu'ils vont continuer beaucoup aussi, parce que c'est des trucs comme ça que j'ai envie d'entendre plus souvent. Eh ben. Voilà. Merci du partage, alors. Reconclusion, resalut, où est-ce qu'on te retrouve? Non. Non, pense pas. C'est bon. Audiotramax.com. Chut. Chut, au revoir. Au revoir. Vas-y, je te laisse faire le clap. Ok, attention. C'est bon? Tu l'as? Non, mais ça marche jamais ce truc. Je sais pas comment tu fais, toi. Bah, je tape dans mes mains. Oui, mais pour qui ça? Pour que. Si c'est moi qui le faisais. Oui. Comment tu fais pour qu'on le voit visuellement sur ta piste? Mais moi, je le verrai pas parce que j'ai le casque. Donc, Justement, c'est ce que je te dis. Non, mais si, parce que moi, je vais t'envoyer mon fichier son. Mm. Et quand tu vas le mettre dans Reaper, tu vas voir les petites ondes. Oui, mais sur ton truc, mais oui. Pas sur le mien. Bah non, mais si tu fais pas de clap de ton côté, tu l'auras pas. C'est tout. Non, je te donne juste donc un repère. On parlait de boulet. Voilà ton exemple. je te fais un clap moi pour que ouais. Tu saches à quel moment j'ai fait le clap pour que toi tu puisses caler ce moment où j'ai fait le clap avec les autres fichiers audio. Ah, c'est parfait. Allez, vas-y. Tu vois ? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ok. Bon. Allez, refais-le. Oui. Je vais m'organiser autrement. Tu veux que je refasse le clap ? Ouais. Allez, c'est parti. Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon. Oui. Allez. Bon alors, la personne qui a une voix très particulière quand même, et qu'on retrouve dans plein de sagas MP3, c'est quand même Blast. Oui. Là-dessus, ça me fait toujours rire quand je commence une saga MP3 et je l'entends. Tu entends Blast. Ah. Bah ouais. Mais t'es partout, Blast. Il est partout. Mais il joue bien, hein. Il joue bien. J'adore quand il a des rôles avec des phrases hallucinantes. Ou... Parce que je me dis, ils sont arrivés à lui faire dire ça. Ouais. J'adore. Parce que tu sens que c'est tellement pas lui, mais il le joue tellement bien que... Hop, je t'arrête tout de suite. Ta merde haineuse et des magots, tu la gardes pour les tarés dégénérés qui te suivent partout. Je sais pas à quel jeu tu joues. Mais crois-moi, il peut t'arriver pas mal d'emmerdes si tu continues comme ça. Maintenant, on sait qui vous êtes, combien vous êtes et comment vous fonctionnez. Dans pas longtemps, je saurai même si ta haine vient de tes problèmes de constipation ou si t'es si misérable que t'as juste un trou creusé au fond du jardin pour te guider. Alors tiens-toi à carreau. Compris ? Compris ? Ouais. Maintenant dégage, t'es assez vu. Alors, je te prie de m'excuser quelques instants parce que tombe le gazon dehors, j'ai la fenêtre ouverte et ça me perturbe. Non, mais là, ils en profitent, il fait beau et tout. Donc... C'est ça, vivement qu'il neige. Donc, je vais fermer la fenêtre, je reviens dans quelques secondes. Va. Qu'est-ce que j'écoute ? Je crois que c'est tout. En tout cas, j'en ai pas qui... Je vais peut-être regarder sur PodCloud pendant que je te parle. Il y a des choses et puis qui moi, m'ont... je suis pas sympa parce que je te laisse chercher, je dis rien. Oui, t'as vu ? J'étais en train de me dire, oh, si je suis gentille, je couperai ce grand blanc où il a ce moment de solitude, où il cherche. Ah, ben écoute... On verra. Si, si tes auditeurs ont de la patience... Je sais pas, on va leur demander. Alors, chers auditeurs, voici le sondage. Si vous êtes sur Twitter, venez nous dire si vous avez de la patience ou pas quand je laisse des grands blancs. Comme ça, pour les futurs épisodes, je saurai si je coupe ou je coupe pas, ou si vous en foutez, ou si ça... En fait, je peux juste respirer pendant des longs moments, ou renifler comme ça, ou tousser aussi, le temps qu'on cherche des trucs. Donc voilà, vous nous dites. Shh.